En Corée est effectuée la campagne automnale de la mobilisation générale pour l'aménagement du territoire national. Depuis son commencement jusqu'à présent, sont récoltées mille et des centaines de tonnes de graines d'arbres, 1,4 fois plus nombreux que la même période de l'année dernière. Dans les provinces du Liangang, du Jiangang et du Gangwon, des efforts sont concentrés à la récolte des graines conformément à la réalité régionale et stocker de bonnes espèces d'arbres plus nombreuses que l'année dernière. Il en est de même pour la capitale Pyongyang et les provinces du Pyongyang du Sud et du Nord et du Hamgyong du Sud.